C'est que voyez-vous, l'Esprit de Saint, regardez ce que vous écrivez, que l'Esprit descend dans la matière quand l'individu est prêt. Dans une autre, il dit qu'il faut le faire descendre, c'est-à-dire qu'il faut vous préparer à devenir prêt. Mais ce n'est pas un processus volontaire au sens psychologique du terme. Il y en a qui m'écrivent, ils veulent que je les aide à entrer en initiation. C'est qu'au niveau, nous, quand on parle de l'initiation, ce n'est pas comme au sens des initiés de la connaissance ou des spiritualités, là. Se mettre en initiation, c'est se mettre dans la marde, débrûler de la subjectivité par de la souffrance expérimentale. Et ce qui est recherché dans le supramental, c'est censé être l'intégration, en si possible, en évitant l'initiation. Donc, c'est pour ça les mots ici sont très importants.